La puissance dynamique de la parole. Dans le processus identitaire de l'initiation solaire, l'homme nouveau sera dans l'obligation d'en venir à un rendez-vous parfait avec son Verbe, soit sa parole. Pour les forces d'évolution, les intelligences de la lumière, il est entendu que pour eux, la parole de l'homme est la phase finale de son initiation intégrale pour qu'il transmute l'ensemble de ses antécédents karmiques. Nous entendons ici par antécédent karmique la nature astrale de l'ego à ne pas être capable de dire et de faire dans une même vibration la même chose. Faut-il être surpris par cela? Que non. Car dans l'énergie créative de la parole, il se dégage toujours une vibration. Et de cette vibration, l'homme doit en retenir deux choses. Soit que lorsqu'il compose avec une parole puissante, créatrice, elle est porteuse de cette parole d'une voyance pour lui, parce qu'elle doit l'amener à réaliser l'engrenage dans lequel il se situe. Et même si cet engrenage est astral, l'homme pourra un jour s'en libérer, car il reviendra dans sa parole pour prendre une décision. Et la décision tranchante de la parole est nécessairement liée à une haine absolue envers tout ce que les forces d'évolution veulent faire avec l'homme, parce que celles-ci sont toujours au rendez-vous dans l'homme avec sa parole pour établir que ce qu'il dit doit être exactement ce qu'il fera. La lumière n'a pas de problème de création. Elle est en permanence une force de destruction et de construction. Ce que l'homme doit saisir dans sa parole, afin que la puissance de celle-ci devienne créatrice, c'est qu'il doit s'amener jour à jour à combattre les entrées dans sa parole qui ne lui permettra pas d'être libre et être au rendez-vous de celle-ci, car au début, il y avait le Verbe et simplement la vibration du Verbe. L'homme, au cours de sa descente dans la matière, s'est astralisé, c'est-à-dire que ses corps se sont densifiés et que l'esprit a perdu toute résonance vibratoire en lui dans sa parole, si bien que l'âme a pris position solidement dans l'ego pour lui faire réfléchir la réalité que ce qu'il allait dire n'était pas plus important qu'il faut. Alors qu'en fait, toute la vie de l'homme est liée à sa parole. Nécessairement, cette parole ne se construit pas sur des bases identitaires liées au monde de l'âme, mais sur des bases identitaires liées au monde de la création. Qu'est-ce que la création pour les forces de la lumière? Pour eux, c'est la capacité de générer suffisamment de lumière pour toujours avoir une vitesse de propulsion les amenant à ne jamais se réfléchir et être dans l'infinité de pouvoir s'amener en tant qu'être de lumière dans une totale liberté de conquête sur l'invisible. C'est-à-dire qu'ils peuvent, pendant des années-lumière, traverser des espaces-temps sans rencontrer de difficultés, car la densité mémorielle ou matérielle que l'homme vit dans la matière, cela, ils ne connaissent pas ça. Mais pour l'homme, étant donné qu'il est dans un corps matériel et qu'il y a une forte densité de l'ego à croire que cette matérialité est son devenir, cela engendre ainsi dans les corps émotifs et mentaux inférieurs de l'homme des formes pensées l'amenant à se réfléchir dans sa parole. En se réfléchissant dans sa parole, l'homme croit réellement qu'il pense qu'il pense. Alors qu'en fait, lorsque l'homme est dans sa parole et qu'il est en mesure de réaliser que la pensée peut posséder sur lui des formes intrusives de réflexion, il en arrive à s'en dégager avec le temps en sachant très bien que tout ce qui est orchestré contre lui, il doit un jour s'en libérer. Comment peut-il s'en libérer? Nécessairement, les antécédents karmiques de l'ego à ne pas se reconnaître dans sa parole vont lui enlever de l'autorité. Et cette autorité-là se traduit directement par une absence de voyance pouvant lui permettre d'amener sa vibration là où il le veut. Par exemple, si vous dites que dans 3 semaines ou 4 semaines, vous allez être en mesure d'accomplir une tâche importante pour vous libérer d'une réalité, il est assuré que vous serez testé dans ce que vous aurez dit, parce que vous aurez probablement à regarder tout au cours des semaines qui s'écouleront, le processus d'intégration de ce que vous avez dit en lien avec ce que vous voulez réaliser. Et naturellement, il est très difficile pour un ego d'émettre dans sa parole des réalités vibratoires et de ne pas les suivre parce que cela exige de sa part qu'il ne se réfléchisse pas. En ne se réfléchissant pas, il advient que l'ego peut alors être beaucoup plus vibratoire pour accomplir ce qu'il avait perçu de lui-même des semaines auparavant. Une réalité concrète de la lumière en lien avec la parole de l'homme est celle-ci. C'est à l'homme d'élever son taux vibratoire pour en arriver à être dans sa parole un seul diamant. Et forcément, puisque les forces de la lumière connaissent très bien chaque individu, elles savent aussi comment traiter avec lui selon les forces initiatiques qu'elles veulent engendrer dans sa conscience, parce qu'elles savent que toute personne sur Terre est en droit de devenir dans sa parole un être solaire. Cependant, il y a des individus qui sont beaucoup plus marqués par le processus évolutif de la lumière sur leur conscience, et cela fait d'eux des nouveaux initiés. Est-ce qu'il faut croire que la parole de l'initié ou de la personne qui entre dans un processus de conscientisation va être beaucoup plus testée que celui qui est inconscient? La réponse est oui. Parce que la lumière ne peut pas jouer le jeu de l'astral. Elle doit savoir ultimement si l'individu avec lequel elle traite peut transcender ses antécédents karmiques et être dans sa parole un être solaire. Ce faisant, les oppositions que vivent les initiés sont généralement liées à une vie beaucoup plus difficile, car ils sont obligés, ces initiés, de vivre des souffrances aiguës en lien avec leurs paroles pour que celles-ci viennent à un rendez-vous parfait avec l'autorité de conscience d'être une personne pouvant émaner sur la terre de la créativité dans ce qu'ils diront. Il est aussi entendu que cette vie d'initié mènera l'homme aux portes même de la dépression ou d'une souffrance si forte que cela l'obligera, cet ego, à comprendre que le travail unique des forces de la lumière est de parfaire son évolution et que lui en viendra à haïr ces forces de lumière qui peuvent mener l'homme à une si grande souffrance que lui-même peut rejeter la nature même de sa conscience solaire sur la Terre, car cela est très difficile pour lui d'absorber toute l'énergie engendrée par l'initiation que demande pour l'homme de savoir qu'il est un être solaire et non un être matériel. Il y a un grand décalage entre la matérialité et l'universalité d'être une conscience solaire dite immortelle. Et comme l'homme est mortel, il vit bien plus souvent qu'autrement dans sa conscience. Les antécédents karmiques de cette âme, jadis appelée à évoluer, mais qui ne le peut pas, parce qu'elle est contrainte tout simplement à des lois d'involution. Pourtant, la descente du double cosmique et de l'esprit dans l'homme était une inversion prévisible de cette âme qui voulait habiter la parole de l'homme, alors qu'en fait, la seule et unique parole créatrice dans l'ego sera toujours l'intégration de la fusion de l'homme avec sa lumière pour qu'il ne les craigne plus. Et ne pas craindre la lumière veut nécessairement dire être en mesure d'haïr toute l'orchestration le menant à des souffrances aiguës pour intégrer sa propre lumière. Pourquoi est-ce que l'homme doit haïr cela? Car il sait que les forces de la lumière ne s'opposeront pas à cette haine en autant que celle-ci soit constructive pour l'ego dans l'homme. Qu'est-ce que veut dire constructif pour eux? Cela veut dire que l'ego est capable de reconnaître dans le processus de haine le travail d'initiation de sa parole à devenir elle-même cette parole, un diamant brut qui se polira par la voyance de saisir qu'est-ce que la vie et qu'est-ce que les forces d'évolution sont obligés de faire pour ne pas perdre la terre à des forces animiques et astrales gouvernées par des mondes de noirceur voulant créer dans l'homme la destruction totale de son ego et sa conscience. Il y aura toujours des énergies négatives liées à la condition évolutive de l'homme parce que l'homme est fait autant de forces positives que de forces négatives. La haine est cette force négative permettant à l'homme de finalement haïr le fait qu'il est sous des forces gouvernantes d'évolution car cela le contraint à être parfait dans sa conscience même s'il n'est pas parfait. Et cela engendre pour l'ego une grande dissonance, car la lumière pousse toujours vers la perfection et l'homme n'a jamais de repos dans cette perfection, si bien que la seule façon d'élever son taux vibratoire dans le processus initiatique d'une puissance de fusion avec ses mondes invisibles et infinis se résume à une immortalité complète de sa parole dans son ego. Poussé toujours à l'extrême, l'ego en devient à haïr lui-même ses antécédents astraux, ce qui le mène à forcer en lui la destruction de ses antécédents par la colère de mettre un terme à ce qu'il ne veut plus vivre. Et tout ce scénario est voulu par la lumière. Il est orchestré pour générer dans la parole de l'homme de la conscience et de l'intelligence. Lorsqu'on parle de conscience dans une parole, on parle évidemment de voyance. Et lorsqu'on parle d'intelligence dans une parole, on parle nécessairement de volonté à rencontrer ce que l'on dit. La voyance aura pour ceci, dans la parole de l'homme, comme rôle de lui faire voir les potentiels de sa liberté accessibles, non pas dans une vie autre, mais bien dans cette vie, pour aussi en comprendre mieux les vies parallèles que plusieurs hommes ou femmes auront à vivre sur la terre avant de pouvoir connaître qu'est-ce que la vie d'un initié. Et l'intelligence de la volonté à rencontrer ce que l'on dit par des gestes et des paroles est liée à l'immortalité intégrale de l'homme, à saisir qu'il n'y a pas une âme sur la terre qui ne connaîtra pas le processus initiatique de rencontrer un jour sa propre lumière. Et pour rencontrer sa propre lumière, l'ego sera malmené, sera ajusté par la lumière et sera obligé un jour de savoir que sa parole, c'est sa seule puissance créatrice pour être autonome dans la matière des forces d'évolution. La vie des initiés est très difficile car elle correspond à la nature même de créer dans l'ego un espace-temps ne lui permettant même plus de réfléchir. Et c'est cet espace-temps lié à la fusion de sa lumière qui lui permet un jour d'être dans sa parole créateur de sa propre vie. Pour être au rendez-vous de sa parole, l'ego doit savoir là où il se fait jouer. Et s'il ne sait pas là où il se fait jouer, il est bien entendu qu'il aura de la difficulté à identifier la direction qu'il doit donner à sa parole pour se donner lui-même une vie agréable. Les forces de la lumière sachent pertinemment bien que l'homme ne pourra jamais avoir une vie agréable sur la terre s'il n'est pas en mesure de s'élever totalement contre toute interférence de la pensée pouvant mener l'homme à ne pas être en mesure de générer dans sa parole une liberté de conscience et de voyance qui lui octroiera l'intelligence d'avoir la volonté de ne jamais plier devant les forces de la lumière. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que l'homme assume totalement sa vibration et qu'il ne se laisse pas imposer l'impression qu'il est dans l'erreur parce qu'il fait deux pas derrière, car sachant qu'il est obligatoirement dans un processus de deux pas derrière et trois pas en avant. C'est pour ça que la vie des initiés est si difficile, parce qu'un initié, c'est ceci. C'est une personne qui doit connaître sa lumière totalement et c'est une personne qui est obligée d'épurer son mental, c'est-à-dire de nettoyer ses antécédents astro, afin d'être totalement un socle vibratoire. Et comme la descente de la lumière n'est que récente dans la conscience de l'homme au niveau de son mental supérieur, cela veut dire que cette énergie nouvelle de la conscience fracasse totalement l'ego, parce qu'il n'y a eu aucune éducation qui aura été faite dans les millénaires auparavant pour mener l'homme à la certitude que ce qu'il croit en lien avec l'invisible a toujours été un mensonge. Pour déprogrammer un ego et une âme, cela exige du temps. Et le temps est nécessairement très difficile pour l'initié, car il sait que la puissance créatrice de sa parole, avant qu'elle ne lui permette d'être totalement libre des forces évolutives poussant la Terre à se générer des corridors de vie qui amèneront sur elle de la lumière pour tasser l'astral, lui imposer dans sa conscience, parce que tout ce que la Terre vit, il le vit indirectement dans sa conscience, puisqu'il est seul à savoir que la planète Terre est présentement gouvernée par les forces de la noirceur, alors qu'en fait, elle est aussi habitée de la lumière dans son mental, parce que lui-même est un initié, permettant à cette lumière d'émaner sur le globe. C'est là la puissance créatrice de l'homme, dans ce qu'il dit, d'émettre sur la terre un verbe pour que celui-ci soit entendu, autant dans une conférence, dans un livre ou dans un enregistrement, afin que les consciences qui sont jumelées ou programmées à connaître de l'intelligence ne soient pas elles aussi seules dans le processus d'épuration des forces astrales de la Terre par la lumière. C'est donc dire que la puissance de l'homme a généré dans sa parole un éther de vie lui permettant d'avoir accès à de la voyance est très grande. Et naturellement, toute personne qui est dans un processus initiatique ne peut pas se protéger de ce processus initiatique. Cela n'existe pas, se protéger d'un processus initiatique, car les forces de la lumière feront vivre à l'homme ce qu'il doit, parce qu'ils le savent capable d'épurer ses antécédents karmiques, et ils aussi sont très conscients de sa puissance de parole pour en arriver un jour à être dans ce qu'il dit, ce qu'il est totalement. Pour être et en arriver à dire ce qu'il est totalement, l'ego sera amené dans des processus initiatiques très puissants, ne lui permettant pas de se cacher derrière de l'orgueil. Et c'est ça, la grande force d'ajustement des forces de la lumière dans l'ego, d'intercepter dans les souffrances qu'il vivra la réflexion. Et si l'homme se réfléchit, cela veut dire qu'il y a de l'orgueil dans son mental quand il est dans un processus initiatique très froid avec la lumière. Car de l'orgueil, c'est de la chaleur dans l'ego. Et les forces de la lumière savent très bien lorsque l'homme se réfléchit. Il y a ce rayonnement de l'ego qui n'est pas de la haine, mais qui est une force d'orgueil ne permettant pas par la suite à l'homme de se générer une puissance créatrice pour dompter totalement les forces astro-rythmiques qu'il y a en lui. Et pourquoi la lumière veut cela? C'est parce que il faut à l'homme de la froideur pour devenir immortel. Et tant que la froideur destinée au processus de fusion avec l'immortalité ne se fait pas dans l'homme, il y aura entre sa parole et ce qu'il dit un écart important de décision qu'il n'est pas capable de prendre parce qu'il n'a pas encore assez souffert dans son ego pour épurer tout l'orgueil mental qui lui reste en lien avec la compréhension absolue de ce que veut dire la lumière dans son mental. La lumière dans le mental de l'homme, c'est ceci. C'est la nature de voir la vie sans jamais la réfléchir. La lumière est une force et une puissance de génération menant à la construction automatique d'univers parallèles, lui permettant à cette lumière de ne jamais reculer ou d'être dépassée par la puissance innovatrice des forces de la noirceur voulant piéger cette lumière. Ainsi donc, ce qui se passe en haut est de même nature pour l'homme, car ce qui se passe en haut doit devenir pour l'homme ici-bas un monde de construction parfait dans sa lumière qui ne permettra jamais à l'ego dans l'homme d'être figé à un statut de destruction lié à son ego pouvant générer de l'orgueil, mais d'être lié à la puissance créatrice d'une parole qui lui permettra d'avancer dans la conquête de sa nature libre d'un ego qui ne meurt pas un jour. L'homme est destiné à la lumière. Il n'est pas destiné à la noirceur, mais les faux pas qui lui permettent de faire un recul sur sa vie sont très difficiles, car ceux-ci sont orchestrés par la lumière en tout temps s'il doit être un initié pour fusionner avec la dynamique puissante d'une parole qui sera créatrice sur la terre de lumière. Est-ce que les forces de la noirceur peuvent appréhender cette force cosmique dans l'homme et est-ce qu'elles le voient de loin? Certainement, car elles ont une vision, les entités du monde de la mort ont une vision de l'homme et cette vision est toujours en lien avec ce que son aura dégage comme lumière. Incidemment, les forces de la noirceur sont capables de pénétrer l'homme par l'intermédiaire d'entités qui seront capables d'émettre sur la conscience de l'ego de la réflexion. Et c'est naturellement les antécédents karmiques de l'ego en lien avec le monde de la mort qui permettent ces interférences et qui coupent l'homme de sa parole, puisque s'il dit qu'il fera ceci et que cela ne se traduit pas dans un geste concret et sans équivoque, il est bien entendu qu'à ce moment, il y a eu une interférence astrale. Et cette interférence astrale représente les deux pas en arrière pour l'homme qui est un initié ou qui est conscient, car ils seront très souffrants, mais il faut aussi comprendre que les forces de la lumière se servent de ces deux faux pas pour amener dans l'ego la haine absolue qu'il doit intégrer contre le processus d'évolution de sa conscience qui finalement lui permettra d'éliminer la chaleur de son ego et la réflexion pouvant lui permettre par la suite de parler dans un geste d'orgueil. La lumière sait très bien ce qu'elle fait avec l'homme. L'homme doit-il l'embrasser, cette réalité, et la reconnaître? Il doit nécessairement la reconnaître sans l'embrasser. Cela pouvant être la nature même de l'homme à se libérer de ses propres créateurs, car c'est dans la reconnaissance absolue de ce qu'ils sont et de lui, de savoir ce qu'il est, que se rencontrera l'homme et la lumière un jour. La lumière est consciente du processus de la haine nécessaire dans l'ego pour se dégager de ses créateurs et de l'amener lui-même à être une force gravitationnelle de lumière dans la matière. Et c'est pour cela que la nuance est très grande, car pour la lumière, il n'existe que la vibration, alors que pour l'homme, dans le processus d'intégration de sa vibration, il y a nécessairement des oppositions qu'il doit comprendre et saisir afin de les éliminer parfaitement. La lumière ne connaît pas l'opposition. Elle la brûle automatiquement parce qu'elle est une force d'évolution constante. Si l'homme était toujours en fusion parfaite avec la lumière dans la matière, il est bien entendu qu'il serait immortel du jour au lendemain. Mais comme il vit sa vie dans un corps matériel, exigeant et menant à des avenues pouvant le contraindre à ne pas comprendre complètement sa vie, parce que la densité liée à la matière est si pesante sur son ego qu'elle l'amène souvent à ne pas être capable de reconnaître ce qu'il y a autour de lui. Et un ego qui ne peut pas voir ou qui n'a pas la conscience de la voyance parfaite de saisir les taux vibratoires qui se trouvent autour de lui, se fera toujours un peu parasité ou piégé par l'astral. Si bien qu'un jour, l'aura de l'homme doit aveugler ses entités et c'est cela qui fera que dans sa conscience créatrice, il sera une parole innovante en tout temps. Le défi des initiés à venir est très grand. Soit qu'ils ne pourront pas se réfléchir et être aussi incrédules devant l'astral. L'astral se fera de plus en plus puissant sur la Terre jusqu'à ce que les forces de la lumière descendent totalement sur elle. L'homme est dans une fin de cycle, soit que les forces d'involution qui ont généré le désordre doivent être totalement comprises par lui s'il veut être au rendez-vous de sa parole. Le défi de l'initié est grand et souffrant à la fois parce qu'il doit être intégré totalement, sinon il n'y a aucune liberté pour cet homme ou cette femme qui cherche à se créer dans la matière un équilibre entre ce qu'elle vit psychiquement parlant et ce qu'elle vit matériellement parlant. Ce sont deux mondes très éloignés, la matière et la lumière. Éthériquement, l'homme a été créé dans des éthers de conscience absolue, alors que sur la Terre, il vit sa vie matérielle dans un laboratoire de conscience pouvant mener un jour à une totale lumière. Entre-temps, ce laboratoire est celui du monde de l'âme qui doit mener l'homme à reconnaître que celle-ci n'était pas la finalité de son évolution sur la Terre. Mais il faut dire que l'humanité ou les gouvernements présents sur la Terre sont tous liés au monde de l'âme, ce qui fait que la planète Terre possède un taux vibratoire collectif, car il n'y a pas suffisamment de lumière dans les gouvernements pour pouvoir éclairer le devenir de l'homme vers une liberté réelle qui ne sera pas la contrainte de l'espoir envers les visibles, mais vers la descente de la lumière dans la matière. La réalité difficile pour l'ego dans un initié est celle-ci. Il ne peut plus espérer rien. Il ne peut plus croire en rien. Il ne peut plus souhaiter rien de la vie, sinon que d'être totalement informé parce qu'il est capable de converser avec la lumière de ce qu'il vit. Supposons que vous vivez un choc vibratoire très puissant vous amenant dans une finalité, il est assuré que vous serez voilé avant même de vivre cette finalité. La lumière vous poussera dans vos derniers retranchements afin de savoir parfaitement si vous avez une capacité de lumière en vous lorsque tout s'écroule. La difficulté de cela est la solitude qu'une personne vivra dans ce processus, car elle seule pourra comprendre ce qu'elle vit. Il n'y a pas aucun initié sur la Terre qui est venu et qui viendra, qui aura la manifestation totale de réaliser sur la Terre ce que lui veut en tant qu'ego réaliser, sans que la lumière ne soit pas derrière ce qu'il veut réaliser. C'est donc un vase communicant existant entre la lumière et l'ego dans l'homme qui fait passer de l'éther la lumière à la terre. Et c'est pour cette raison que c'est si difficile pour un ego de saisir toute cette lumière qui descend en lui et de s'approprier sa vie parce qu'il sait que la gouvernance de sa vie n'est pas la sienne, mais bien celle de la lumière qui entend remettre à l'homme, lorsqu'il sera prêt, sa propre gouvernance. Cela veut donc dire que l'ego ne peut pas se protéger de cette gouvernance. Et cette gouvernance est la suivante. Un statut cosmique dans l'ego est une manifestation de la compréhension absolue de la lumière, de ce à quoi doit répondre l'ego dans une incarnation pour devenir lui-même solaire. Un statut d'âme, c'est la manifestation d'une programmation karmique avec des antécédents du passé qui sont mémoriels pour permettre à l'âme de se réinventer progressivement jusqu'à ce qu'elle comprenne qu'elle doit être habitée, cette âme, par un ego si elle aspire un jour à une vie intelligente. Inversement, la vie d'un initié ne répond aucunement à la vie de l'âme en lui. Elle répond totalement à la vie de l'esprit qui doit monter dans l'homme afin que son ego puisse converser dans une parole absolue avec la lumière. Cette parole est une vibration Et cette vibration est sue en autorité par la lumière parce qu'ils en saisissent la lumière qu'il y a dans cette parole pour voir la froideur qui se dégage du Verbe dans l'homme. Un égo ne peut pas parler de la vie et se réfléchir. Il doit pouvoir un jour, l'égo, être en mesure de jumeler sa parole à la puissance d'une voyance qui lui permettra de pouvoir générer dans sa vie matérielle suffisamment de direction pour ne pas souffrir des deux pas de recul en arrière que la lumière lui fera vivre, car cet égo étant destiné un jour à de l'immortalité, sera obligatoirement placé dans des pièces de théâtre si initiatiques qu'il ne pourra pas les éviter. L'homme peut croire ou penser que parce qu'il est de plus en plus lumière, qu'il peut se protéger des pièges initiatiques, des forces de la lumière qui voudront l'initier à son immortalité. Il ne peut pas s'en protéger. Certes, l'homme apprend à se protéger de ses versants karmiques et de ses antécédents astraux liés au monde de l'âme, pouvant l'amener à croire qu'il peut agir sur la vie avec une totale froideur. Et la froideur ne vient pas de la pensée que l'homme est un être solaire, mais la froideur vient de la réalité que l'homme est solaire. Si bien que, pour inverser totalement le processus identitaire de la descente d'énergie et de la fusion dans l'homme avec son immortalité, l'homme ne peut pas la combattre, cette force d'initiation à sa lumière, il ne peut que l'absorber et l'intégrer. Intégrer voudra dire que lorsqu'il vivra de grandes difficultés dans la matière, il saura pourquoi il les vivra, et la voyance de communiquer avec son double se fera bien malgré lui, parce que lui, il passera directement à la lumière pour exiger que son double soit instruit de la nature même et céleste du choc initiatique que la lumière entend faire vivre dans l'homme à son égo. Le double cosmique, lorsqu'il s'intègre à la conscience de l'homme, ne peut plus rien pour lui. Alors que jadis, c'est lui qui préparait les pièges de l'ego parce qu'il voulait que l'ego s'amène à se corriger et à s'étudier totalement. Mais lorsque l'homme s'étudie totalement, le double cosmique ne peut plus rien pour lui parce que l'homme peut avoir été amené à une fusion parfaite avec sa propre intelligence et que la nécessité de converser avec des forces infinies de la lumière pour pouvoir vivre la totalité de son expérience dans la matière coïncide donc avec l'élévation de son mental à une force d'immortalité représentant pour lui la somme suivante, soit que l'éther de la lumière et l'éther de sa conscience ne font qu'un. Et c'est cette froideur qui génère dans l'homme son immortalité éventuelle. Incidemment, le double aura fait son travail, qui est celui d'amener l'homme à combattre ses craintes et à éliminer suffisamment dans sa vie personnelle de mémoire pour que l'ego soit toujours maître dans sa psyché des pensées qu'il reçoit pour les débattre, les combattre et aussi les abattre. Une pensée astrale, c'est une pensée qui génère dans l'ego de la chaleur. Une pensée froide, venant du double, aura toujours dans l'homme une puissance de création pouvant lui permettre d'abattre ses craintes. Elle aura, cette pensée, la nature de l'instruire de pourquoi il se réfléchit et pourquoi il vit de la culpabilité, du doute ou toute autre forme de sentiment menant à la division de son être pour ne pas être froid. Et lorsque l'homme atteint une certaine froideur dans son mental, cela implique alors qu'il est capable de converser avec des éthers d'intelligence plus grandes que le double, afin qu'il puisse amener dans la matière de l'instruction qui générera une puissance créatrice pour le garder lui-même aussi dans son verbe. L'homme ne parle jamais pour lui-même, il parle. Il ne parle pas non plus pour les autres, il ne fait que parler. Et cette parole a une puissance de création parce qu'elle ne génère aucune réflexion. Elle est simplement un taux vibratoire, et ce taux vibratoire est ce qui fait que dans le mental des hommes, leur taux vibratoire change si la puissance de la parole a une capacité de détruire en eux l'astral. Lorsque les forces de la lumière communiquent avec l'homme, ils font ce travail instantanément. Ils élèvent le taux vibratoire de la conscience de l'éther et l'ego qui est jumelé à cet éther n'a pas le choix d'être dans un taux vibratoire absolu pour saisir la voyance de tout ce qui est créé envers et contre lui pour le faire évoluer. Et c'est pour cela que l'homme sait très bien que les deux pas en arrière, pour la vie d'un initié, c'est très difficile. Pourquoi est-ce que c'est très difficile? Parce que ça génère en lui de la haine et de la colère pour mater totalement ce qu'il vit. Et afin de mater totalement ce qu'il vit, cet ego est appelé à une puissance de lumière absolue qu'il ne connaissait pas auparavant, mais qui est nouvelle, parce qu'ainsi se développent en lui les trois pas qu'il doit faire devant pour traverser les deux pas qu'on lui a demandé de faire derrière, non pas en le manipulant, mais en le voilant totalement de certaines réalités qu'il sera obligé de vivre pour qu'on l'amène éventuellement à une immortalité parfaite de sa conscience dans la matière. Si l'homme savait tout ce qu'il aura à vivre avant même de vouloir savoir qu'est-ce que la lumière, possiblement qu'il dirait « Non, je veux simplement vivre une petite vie tranquille et je préfère de loin ne pas trop savoir quelle est cette force de lumière qui l'amènera à être un jour immortel. » On ne devient pas immortel en pensant vouloir être ce que la lumière est. L'homme deviendra immortel lorsqu'il n'y aura plus de crainte en lui et dans son mental pour devenir immortel. L'homme doit être à la fois une île et un continent. Il doit pouvoir aller sur l'île de l'immortalité et aussi être sur le continent de la Terre afin de réunir la lumière au continent de la Terre à travers sa propre conscience d'initié et d'intégration dans sa parole pour émaner sur la Terre un discours totalement lumineux qui régénérera dans la conscience des siècles à venir la vie de l'âme. La vie de l'âme aura toujours été gouvernée par les forces spirituelles de la Terre. C'est donc dire qu'il y avait des intelligences qui devaient assurer sur les hauts plans de la mort la naissance de la sagesse. Et cette sagesse étant qu'une âme doit, dans son évolution, devenir, dans son évolution, plus grande en vibration que ce qu'elle fut au départ. Cette vibration étant aussi une force de lumière en elle pouvant lui permettre de comprendre parfaitement les lois de la matière en lien avec la prochaine réincarnation à venir qui lui permettrait peut-être de vivre l'immortalité de sa conscience sur d'autres univers de vie que celui du monde de la mort. Pourtant, il n'y a aucune âme dans le plan de la mort qui est au courant de cela. Les hauts plans spirituels de la mort croient nécessairement qu'ils sont immortels. Ils y croient car ils sont programmés pour y croire, alors que la vie d'un initié est justement l'opposé de cela. L'homme est programmé à ne pas croire, mais plutôt à savoir. Et lorsqu'on dit programmé, cela a un temps. Cela nécessite de l'ego qu'il comprenne que la pensée vient d'ailleurs. Une fois que l'ego saisit que la pensée vient d'ailleurs, il n'est plus nécessairement programmé, il se déprogramme. Il se déprogramme à la croyance, il se déprogramme aussi à la capacité de vouloir croire que la vie qu'il mène sur la Terre n'a pas un but spécifique. La vie sur la Terre a un but spécifique, soit d'amener l'homme à ne pas craindre l'invisible. Et toute âme qui est sur le plan de la mort craint l'invisible. Et c'est pour cela qu'ils doivent être accompagnés par des guides spirituels à leur mort. Alors qu'en fait, dans l'immortalité de sa conscience parfaite, l'homme solaire ne craindra pas la mort. Il amènera sa conscience et son ego vers sa propre immortalité de conscience parce qu'il la verra et transcendra ainsi toutes les forces du monde de la mort. Cela ne veut pas dire que l'homme, dans un ego matériel, ne meurt pas, mais il quitte ce corps matériel à l'horizontale, soit qu'il va où il veut, au lieu de monter vers les mondes de l'invisible. Dans sa psyché, il devient ainsi un être parfaitement solaire. Et s'il n'y avait pas des initiés qui avait cette puissance de s'immortaliser dans le futur, cela représenterait pour l'homme un défaut de conception, car lui-même doit pouvoir s'asseoir à la table des négociateurs ou des décideurs de la vie pour qu'une conscience de lumière vienne habiter la terre en lien avec ce que l'homme a aussi été capable de communiquer à la lumière, parce que lui-même, il aura été un être parfaitement fusionnel dans son intelligence, sa volonté et dans le principe de l'amour. Les forces de la lumière ne connaissent pas le principe de l'amour dans sa force d'intégration à l'intérieur d'un ego dans l'homme, car c'est lui qui va leur communiquer ce qu'il est dans ce principe d'amour. Et c'est pour ça que la haine de l'homme à l'égard des forces d'évolution est beaucoup plus grande, puisque l'homme n'haït pas l'homme. Il sait très bien que la vie sur la terre est très difficile, et dans son principe d'amour, il sait reconnaître que l'homme vit énormément d'opposition avant d'être intelligent, avant d'être libre, et aussi d'être pour lui-même sa propre génératrice de lumière dans sa parole. Soit qu'il est très difficile pour une personne d'amener sa parole au rendez-vous de ce qu'il dit dans le geste et dans le faire. Tout simplement parce que la planète de la Terre est habitée par le monde de la mort et qu'il n'y a pas assez d'instructions au niveau des gouvernements pour que cette lumière se génère. Cela devra arriver un jour, car les forces des gouvernements sont puissamment celles qui auront à générer dans le corridor de la Terre des directions pouvant mener à l'épuration des désordres sur celle-ci, de la corruption à la criminalité. Il y a énormément de travail que les gouvernements et de tâches à abattre pour les gouvernements dans les années à venir afin de protéger dans l'homme sa dignité. Finalement, la puissance de création de la parole dans l'ego de l'homme se résume donc à ceci, c'est qu'il est capable de dire et de faire dans un même rayonnement la même chose. Il n'y a plus de décalage et cela provient de la rencontre avec une plus grande facilité, à savoir que quand il est froid, il est totalement intelligent, cet égo, dans ce qu'il dit, alors que quand il est chaud, il y aura toujours dans sa parole un décalage afin d'amener sa volonté à être au parfait rendez-vous de ce qu'il dit. La chaleur de l'ego est difficile à épurer parce qu'elle vient du monde de la mort dans lui. Et si l'homme avait la puissance d'intercepter toutes les pensées astrales qui venaient à lui pour l'empêcher d'être dans sa parole un être créateur, il saurait automatiquement qu'il y a énormément d'opposition en lui qui génère une force de contradiction pour s'assurer que sa parole ne soit pas au rendez-vous. Et plus l'homme est conscient de cela, plus il élève sa vibration parce qu'il sait que quand la lumière décidera de lui faire vivre un grand événement, il ne pourra pas s'en protéger. Mais certes, il pliera peut-être devant la force de constriction et la foudre de l'événement pour le casser, mais lui, il ne cassera pas, car dans sa parole, il saura rester debout, cet égo, pour ensuite intercepter et dialoguer avec la lumière sur les grands enjeux de ce qu'il vient de vivre, afin que ce qu'il arrache à la lumière ne lui soit jamais dans le futur retiré. Et l'immortalité de l'homme, serment une courbe évolutive, mais aussi une courbe exponentielle, ce pourquoi l'homme doit parfois vivre de grands événements pour sauter des étapes qui le mèneront, celles-ci, à être totalement froid. Il y a dans l'ego parfois des réflexions, et ces réflexions doivent être détruites si rapidement parfois, afin que l'ego soit déstabilisé et qu'il n'ait plus aucun contrôle sur une situation, sinon que de vivre l'expérience pour ensuite se tourner vers la lumière et dire « Ah, c'est intelligent de l'intelligence ». Mais avant qu'il puisse dire cela, il aura vécu dans son ego une haine absolue envers les forces d'évolution pour l'amener à être totalement froid, mais aussi il saura reconnaître que le processus de vibration de sa parole pour créer de l'intelligence et de la liberté dans son ego est aussi essentiel et incontournable.